reviens-moi, car je ne peux plus vivre sans toi. Donne-moi ton cœur doré, réponds donc à ma voix, et puis viens te blottir dans mes bras. Donne-moi ton cœur doré, les jours passeront, heureux toi et moi, nous vivrons. Je t'en prie, souviens-toi, l'amour était pour nous une loi. Donne-moi ton cœur d'un petit, tu portes ta voix, alors tout serait comme autrefois. Les jours passent.